Entre reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. Às terças-feiras, a Rádio Antena Web traz dos sons da Lua. Um espaço radiofónico que pretende fazer-lhe companhia, sempre com a melhor música e na voz de Joana Santos. Os Sons da Lua. Às terças-feiras, pelas 23 horas, na Rádio Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com o Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 8h30 e as 9 da noite. Ora, no programa de hoje vamos falar-lhe de música francesa. É o nosso último capítulo da música francesa. É o último de 5 capítulos. Já aqui falamos há 4 semanas atrás dos inícios da música, dos inícios das gravações da música francesa, ou seja, finais do século XIX, inícios do século XX. Há 3 semanas andamos pelos anos 30 e pela voz de Edith Piaf, e há 2 semanas andamos divididos entre a música dos anos 50 e a música dos anos 60. Na passada semana, sempre em França, fomos até aos anos 80 para assistir às mudanças que o tempo trouxe à música francesa. 20 anos envolvidos e novas diferenças há na música francesa, agora ainda mais evidentes. Ganhou alguns contornos árabes, ganhou muitos contornos eletrónicos, mas uma coisa se mantém: a magia da língua francesa. Vamos ouvir nesta emissão Émile Simon no tema Mon Amour, Cœur de Pirate Long de Large, e ainda uma música diferente destas duas. É de Zao. Vamos ouvir estes 3 temas, que são, bom, os 2 primeiros são música francesa no seu geral. A música de Zao é um bocadinho diferente. A música são duas vertentes da música francesa. Uma é a vertente mais balada, mais pop. A canção de Zao é uma música mais para a eletrónica. Pop, digamos que é um pop eletrónico o que nos traz Zao. Vamos ouvir para compreender melhor do que é que falo. Vamos à música. Até já. Mon amour. Músicas, todas diferentes umas das outras e diferentes das anteriores. Carla Bruni traz-nos este Skelkamadi, um tema envolvente, que, aliás, foi, creio que esta corrente terá sido mesmo iniciada por Carla Bruni. Disse que era um tema diferente dos anteriores, já que ouvimos, na verdade, Emile Simon com Mon Amour. É um tema também ele envolvente. Há outros também envolventes, de Mylène Farmer, por exemplo, que não vamos ouvir hoje, mas são todos eles, creio que, bom, não digo se calhar, voltando um bocadinho atrás na minha palavra, já que ouvimos essa voz de Emile Simon, Carla Bruni, creio que todavia terá sido ela a iniciar este movimento destas canções místicas, podemos assim chamar. Se não o iniciou, pelo menos ajudou na sua propagação. Vamos depois ouvir Dien et Vita. São dois jovens e a canção francesa ganhou muito esta cultura juvenil. Hoje há muitos jovens a iniciar as suas carreiras e a passarem no imediato para o estrelato. Optam por um novo estilo de música, optam pelo aquilo que poderíamos chamar o Jeune Pop, o pop jovem. Música dinâmica, música com ritmos algo incertos, mas trazem sempre estas músicas uma mensagem muito direta, uma mensagem muito. Como aliás, como esta, que vamos ouvir, esta confession que vamos ouvir de Dien et Vita. Aliás, a música começa com um diálogo e tem no decorrer de toda a música um diálogo, ao princípio um diálogo falado, depois um diálogo cantado, mas é portanto esta música um novo género musical, podemos dizer assim, ou um novo subgénero musical em França e que se tem vindo a propagar. Tem sido o catapultar de muitos novos artistas para o estrelato. Uns por lá ficam, outros tão depressa aparecem como desaparecem, mas vamos lá ver no que é que dá Dien et Vita. Depois vamos ouvir um estilo que já entrou em França nos anos 90, mas que tem ganho muita expressão nos últimos anos. MC Solar é talvez o nome maior do hip-hop francês. Aqui traz-nos o tema Hijo de África e vamos, apesar do nome ser espanhol, a canção é toda ela em francês, ou a melodia, digamos assim, é toda ela em francês. E, bom, o hip-hop invadiu um bocadinho toda a gente. Surgiu, não se sabe bem onde, não se sabe bem quando, talvez nos Estados Unidos, nos finais dos anos 80, mas o que é certo é que contagiou toda a gente. Em França não foi exceção, embora a França tenha oferecido muita resistência e ainda hoje oferece, em termos musicais, ainda hoje oferece muita resistência ao hip-hop. O que é certo é que ele cada vez mais vai conquistando terreno à música que já cá estava, à música mais costumeira em França. E pronto, depois eu vou voltar, vou trazer-lhe ainda uma música techno francesa, que é com a qual nós vamos fechar esta nossa emissão. Techno, que foi realmente a última facção musical, o último género musical a entrar em França, e mesmo hoje ainda não tem muita expressão. Aki Makli é uma exceção, mas já vou falar dele mais para a frente. Para já, são mesmo estes três nomes que lhe falei: Carla Bruni, Dien et Vita e ainda MC Solar. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, le dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Fique sintonizado no Sua Antena Web. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est Vie, ouvre-moi. Ça va, Vie? T'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais Vie, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, Vie, c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, Vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûr. Mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon mec non. Se tape une autre femme, ouais. Mais tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit. Elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'ai bien côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan drague, pas de pétasse. Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et appart. Te prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, vie, ça va aller. Je ne peux pas, tu sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène, vite. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM, si tu savais comme j'ai la haine. Je ne crois pas, je ne peux pas, tu sais, j'ai peur. Viens, viens, viens, sors de la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. J'ai demandé, c'est la chambre 203. Que je veux pas. Ici, on va monter les liens. Je n'y arriverai pas. Ok, c'est au deuxième étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi d'autres baiser cette chienne. Mais calme-toi chérie, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe bébé? Mais qui c'est elle? Mais ferme ta gueule toi. Et si tu veux parler s'il te plaît rappelle-toi. Franchement t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton string et casse-toi. Les filles comme toi ne méritent pas plus qu'un petit bout de toi. Mais ferme ta gueule toi aussi. Regarde-toi dans le calcif putain. Tu fais le miskin mais tu viens me briser mon ami. Oh, t'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi? Putain, vas-y vite, on se casse d'ici. Viens, je ne crois pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je ne peux pas. Viens là. J'ai peur, moi. Rentre dans la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Non mais je rêve, mais je l'ai pas vu avec elle. Et c'était pas sa BM, non c'était pas cette non, hôtel. Non, tu ne rêves pas, ton mec était bien là-bas. Vita, c'était bien son cave, c'était bien lui chambre de sang-froid. Vita, c'était bien ton garde dans les bras d'une petite pétasse. Garde, garde le sang-froid, ce bâtard n'est rien sans toi. Bah ouais, la vie est une garce quand t'as décidé d'être droite. Fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case départ. Regarde-moi, après les drames que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus confuse de Paname. Mon ex était dealer de gamme, je le croyais dans le social. Crois-moi, tu sais ce que c'est que de se sentir trahi. Quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais que t'en sais, toi? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Arrête, vite. Ce qu'il fait de ses nuits quand t'es pas là. Et dans quel bras? Il court étouffer ses péchés quand t'es avec moi. Es-tu sûr qu'il est fidèle? Ouais. Mais oui. As-tu consulté ses mails? Fouillé son MSN? Capté ses messages? Questionné sa mère? Quand elle dit qu'il est chez elle et lui qu'il est chez son frère? Si t'es sûr de toi, va-t'en, va-t'en. Alors prends ton téléphone, écoute son répondeur et tu verras. Vite, fatigué, tête à la haine, arrête s'il te plaît, arrête. Je vais te faire pour toi. Arrête, raccroche, raccroche. Le numéro de ton gars. Mais raccroche, je te dis, putain. Je vais te faire pour toi. Vous êtes bien sur mon répondeur, laissez un message, merci. Veuillez composer votre code secret et terminer par dièse. Vous avez 2 nouveaux messages. Nouveau message reçu hier à 22h51. Nouveau message reçu hier à 23h28. Ouais, bébé, c'est moi. Ça fait 1 heure et tu me manques déjà. Tu me manques demain. Tu me manques. C'est bon, t'es calmé là? Mel, tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Mel, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, il se fout de toi, ouais. Entre nous, je fais toujours genre, j'assume tout. J'ai aucun regret devant les gens et tout ça. Mais dans le fond, j'ai quand même honte d'une chose. C'est vrai que j'avais 15 ans, mais j'ai fait une belle connerie. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu ma mère pleurer à mon chevet, que j'ai vu tous ces gens qui m'aimaient, qui pleuraient. À ce moment-là, je me suis dit, mais merde, t'es qu'une grosse égoïste de merde. T'as pas pensé à eux, en vrai. Comment j'ai pu faire ça, putain? Comment j'ai pu prendre le risque de rater de vivre tout ce que j'ai aujourd'hui? Antinoem, sintonize-te. Si tu connais le quoi ça, Zaiko, langa langa, la rumba, ou le makosa, le mbalach, la kora, le son du balafon qui fait bouger Bamako, Damena ou le Gabon, terre d'Afrique, Djoulape, le mandingue, Maasai, les roussis des fois pas dingue, le saï saï, tassaï, et j'croque, bâton manioc, en piroge, je vois des côtes ancestrales et demain le garde-robe. Sur la plage, on a fumé le capitaine, bu le jus de tamarin dans une coupe en ébène. Faut des sous pour le développement, il faut développer les feux pour lutter contre le sous-développement. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Nouvelle idée, j'ai l'idée d'un alaba qui veut être comme des idéales. C'est la noix, voilà le genre de sentence que l'on nous apprend là-bas. Pour soigner la maladie, partager noix de cola. Cela veut dire dans les deux cas qu'Africa a besoin de toi. Je dois connaître la savane sans passer par papy brossard. Et voir l'œil du griot lorsqu'il te raconte l'histoire. Dans ce village, lors de la cérémonie, ainsi que les initiatives qui viennent de moi l'infini. Lac, fleuve, Nil, Niger ou le Victoria. Allez, le bonbon du lasso jusqu'à la ville de Pretoria. Ne m'appelez pas Bamboula ou tête de crâne ou la chutard. Sans le civilisateur, avec l'œil perçant. Il y a des vidéos, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Aïe, nouvelle idée, j'ai l'idée d'un alaba qui veut être comme les idéales. Des conflits qui nous stressent, guerre civile inutile, peur sur le village et la ville. Population déplacée, c'est la peur qui fait l'exil. Des gosses sans école, qui ne font pas leurs leçons. Ils ne jouent plus aux soldats, car soldats ils le sont. C'est aberrant, c'est comme un laboratoire qui fait des expériences pour quantifier le désespoir. Mais je garde l'espoir, quand j'entends premier chaos. Ne pas baisser les bras, je le dis toujours au chaos. Quelqu'un écoute ce qu'il dégoûte, ou écoute que les doutes. Et s'il montre la route, en nous jamais des scouts. Il y a des vidéos, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Dans les vidéos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, dans les vidéos. E por fim vou então trazer-lhe a tal música techno. Não há muito para dizer, é o techno normal, é o techno comum, mas cantado em francês. Não conhecemos o nome da intérprete, mas conhecemos o nome do DJ, e é bem conhecido. Chama-se Hakim Akli. E é um DJ de sucesso em França. Ele, de certa forma, não direi que revolucionou, mas ajudou muito à propagação deste género de dance music. Esta batida... Eu acho que ainda assim, aquilo que me dá a perceber é que a batida musical em França só tem de facto sucesso com uma melodia por trás. Talvez por isso, e seguindo depois a carreira de Hakim Akli, à medida que a melodia se vai tornando cada vez mais pobre, as músicas deste DJ vão tendo cada vez menos sucesso. A que mais melodia teve? Sem dúvida foi este Dilly Dally. Há uma versão inglesa chamada Dolly Dally, mas nós vamos optar aqui pela francesa, porque falamos hoje de música francesa. Dilly Dally é o tema com o qual vamos encerrar esta emissão, que encerra também o ciclo de música francesa aqui nestas emissões do Musicalia. Quer dizer, não quer dizer que não passemos mais música francesa, mas vamos... Vamos já passar um bocadinho de tudo outra vez, não é? Na próxima semana, terça-feira, vamos trazer aqui um best-of, digamos assim, do melhor que já passou por aqui. Pois, um best-of é o melhor, não é? Ou seja, vamos trazer assim um best-of do que já passou por aqui nas próximas duas semanas. Para já, são mesmo, é mesmo Hakim Akli que vai encerrar esta emissão do Musicalia. Da minha parte, é tudo, já seguirá lá fora. Vamos para mais um documentário do Egito. Fique bem. Fico com a Rádio Antena Web e até amanhã para mais uma edição de Musicalia.